l'album avec impatience. Dans un instant, un des mecs que tu dois bien aimer, qui fait partie aussi de la scène, voilà, un monsieur, hein, Josh Wing quand même. Ouais, et puis surtout quelqu'un d'adorable, voilà, un vrai gentil. Un vrai gentil. Il y a des quelques méchants dans ce milieu, mais lui c'est un vrai gentil. Et on va le retrouver en mix pendant une heure, un mix voilà que j'ai récupéré à l'époque où on était sur d'autres radios, voilà, un mix qui date. À l'époque où il avait des dreads en fait. Oh oui. Oh là là, des dreads de chez Dread, ouais. Où il faisait ces morceaux clubbing là qui explosent et tout sur les dance floors là, ça date du 3 novembre 96, c'est ce qu'on va écouter tout de suite dans Carte Blanche sur Radio Néo, c'est parti. Tous les jeudis, 20h-23h, c'est Carte Blanche avec Max Campo sur Néo. Expect entry interface in 45 seconds. Expect entry interface in 45 seconds. Expect entry interface in 45 seconds. Expect entry interface in 45 seconds. Expect entry interface in 45 seconds. Une heure de mix, c'est Carte Blanche sur Radio Néo. Carte Blanche, le mix sur Radio Néo. We'll be right back. Une heure de mix, c'est carte blanche sur Radio Néo. Thank you.

Carte Blanche sur Radio Néo. We'll be right back. Carte Blanche, le mix sur Radio Neo. Une heure de mix, c'est carte blanche sur Radio Neo. Carte Blanche, le mix sur Radio Néo. Une heure de mix, c'est carte blanche sur Radio Néo. Radio Néo, libérateur de talent. Radio Néo, libérateur de talent. Deacon Sam Jackson, Oprah Richard Baptist Church. I'm going to bring you.